Dès qu'il fut sorti, Julien pleura beaucoup et pleura de mourir. Peu à peu, il se dit que, si Madame de Rênal eût été à Besançon, il lui eût avoué sa faiblesse. Au moment où il regrettait le plus l'absence de cette femme adorée, il entendit le pas de Mathilde. « Le pire des malheurs en prison, pensa-t-il, c'est de ne pouvoir fermer sa porte. » Tout ce que Mathilde lui dit ne fit que l'irriter. Presque hors de lui, à force de colère impuissante et de contrariété, « Allez écouter une messe pour moi, » dit-il à Mathilde, « et laissez-moi un instant de paix. » Mathilde, déjà fort jalouse des visites de Madame de Rênal et qui venait d'apprendre son départ, comprit la cause de l'humeur de Julien et fondit en larmes. Sa douleur était réelle. Julien le voyait et n'en était que plus irrité. Il avait un besoin impérieux de solitude, et comment se la procurer? Quand Julien se fut enfin procuré la solitude, il se trouva plus accablé et plus lâche qu'auparavant. Un soir, Julien songeait sérieusement à se donner la mort. Son âme était énervée par le malheur profond où l'avait jeté le départ de Madame de Rênal. « J'ai aimé la vérité. Où est-elle ? Partout hypocrisie, ou du moins charlatanisme, même chez les plus vertueux, même chez les plus grands. » Et ses lèvres prirent l'expression du dégoût. « Non, l'homme ne peut pas se fier à l'homme. » Le mauvais air du cachot, produisant son effet, sa raison diminuait. Il n'en fut que plus heureux au retour de Madame de Rênal. « Mon premier devoir est envers toi, » lui dit-elle en l'embrassant. « Je me suis sauvé de Verrières. » Julien n'avait point de petit amour-propre à son égard. Il lui raconta toutes ses faiblesses. Elle fut bonne et charmante pour lui. À force d'or, et en usant et abusant du crédit de sa tante, dévote, célèbre et riche, Madame de Rênal obtint de le voir deux fois par jour. À cette nouvelle, la jalousie de Mathilde s'exalta jusqu'à l'égarement. Monsieur de Frilair lui avait avoué que tout son crédit n'allait pas jusqu'à braver toutes les convenances au point de lui faire permettre de voir son ami plus d'une fois chaque jour. Mathilde fit suivre Madame de Rênal afin de connaître ses moindres démarches. Au milieu de tous ses tourments, elle ne l'en aimait que plus et presque chaque jour lui faisait une scène horrible. Mademoiselle de La Mole apprit la mort du marquis de Croisenois. Monsieur de Thaler, cet homme si riche, s'était permis des propos désagréables sur la disparition de Mathilde. Ivre de colère et de malheur, Monsieur de Croisenois exigea des réparations tellement fortes que le millionnaire préféra un duel. La sottise triompha, et l'un des hommes de Paris les plus dignes d'être aimé trouva la mort à moins de 24 ans. La mort de Monsieur de Croisenois changea toutes les idées de Julien sur l'avenir de Mathilde. Il employa plusieurs journées à lui prouver qu'elle devait accepter la main de M. de Lutz. « C'est un homme timide, point trop jésuite, lui disait-elle, et sans duché dans sa famille. Il ne fera aucune difficulté d'épouser la veuve de Julien Sorel. » « Et une veuve qui méprise les grandes passions, répliqua froidement Mathilde. Car elle a assez vécu pour voir, après 6 mois, son amant lui préférer une autre femme, et une femme origine de tout leur malheur. Une jalousie furieuse et impossible à venger, la continuité d'un malheur sans espoir, car même en supposant Julien sauvé, comment regagner son cœur? La honte et la douleur d'aimer plus que jamais cet amant infidèle avaient jeté Mademoiselle de La Mole dans un silence morne et dont les soins empressés de M. de Frilair, pas plus que la rude franchise de Fouquet, ne pouvaient la faire sortir. Pour Julien, il vivait d'amour et sans presque songer à l'avenir. Par un étrange effet de cette passion, quand elle est extrême et sans feinte aucune, Madame de Rênal partageait presque son insouciance et sa douce gaieté. « Autrefois, lui disait Julien, quand j'aurais pu être si heureux pendant nos promenades dans les bois de Vergy, une ambition fougueuse entraînait mon âme dans les pays imaginaires. Non, je serais mort sans connaître le bonheur, si vous n'étiez venu me voir dans cette prison. » Deux événements vinrent troubler cette vie tranquille. Le confesseur de Julien, M. de Frilair, tout janséniste qu'il était, ne fut point à l'abri d'une intrigue de jésuites et, à son insu, devint leur instrument. Il vint lui dire un jour qu'à moins de tomber dans l'affreux péché du suicide, il devait faire toutes les démarches possibles pour obtenir sa grâce. Or, le clergé ayant beaucoup d'influence au ministère de la Justice à Paris, un moyen facile se présentait. Il fallait se convertir avec éclat. « Avec éclat ?» répéta Julien. « Votre âge, reprit gravement le janséniste, le motif même de votre crime, qui reste inexplicable, les démarches héroïques que Mademoiselle de La Mole prodigue en votre faveur, tout, enfin, a contribué à vous faire le héros des jeunes femmes de Besançon. Votre conversion retentirait dans leur cœur et y laisserait une impression profonde. Vous pouvez être d'une utilité majeure à la religion. » Et moi, j'hésiterais par la frivole raison que les jésuites suivraient la même marche en pareille occasion. « Et que me restera-t-il ? » répondit froidement Julien. « Si je me méprise moi-même, j'ai été ambitieux, je ne veux point me blâmer. Alors, j'ai agi suivant les convenances du temps. Maintenant, je vis au jour le jour. Mais je me ferais fort malheureux si je me livrais à quelque lâcheté. » L'autre incident, qui fut bien autrement sensible à Julien, vint de Madame de Rênal. Je ne sais quelle amie intrigante était parvenue à persuader à cette âme naïve et si timide qu'il était de son devoir de partir pour Saint-Cloud et d'aller se jeter aux genoux du roi Charles X. Elle avait fait le sacrifice de se séparer de Julien, et après un tel effort, le désagrément de se donner en spectacle, qui en d'autres temps lui semblait pire que la mort, n'était plus rien à ses yeux. « J'irai au roi. J'avouerai hautement que tu es mon amant. La vie d'un homme et d'un homme tel que Julien doit l'emporter sur toutes les considérations. Je cesse de te voir. Je te fais fermer ma prison, » s'écria Julien. « Et bien certainement le lendemain, je me tue de désespoir si tu ne me jures de ne faire aucune démarche qui nous donne tous les deux en spectacle au public. Cette idée d'aller à Paris n'est pas de toi. Dis-moi le nom de l'intrigante qui te l'a suggéré. » « Soyons heureux pendant le petit nombre de jours de cette courte vie. Cachons notre existence. Mon crime n'est que trop évident. » Le mauvais air du cachot devenait insupportable à Julien. Par bonheur, le jour où on lui annonça qu'il fallait mourir, un beau soleil réjouissait la nature, et Julien était en veine de courage. Marcher au grand air fut pour lui une sensation délicieuse, comme la promenade à terre pour le navigateur qui longtemps a été à la mer. « Allons, tout va bien, » se dit-il. « Je ne manque point de courage. » Jamais cette tête n'avait été aussi poétique qu'au moment où elle allait tomber. Les plus doux moments qu'il avait trouvés jadis dans les bois de Vergy revenaient en foule à sa pensée et avec une extrême énergie. Tout se passa simplement, convenablement, et de sa part, sans aucune affectation. Il avait pris ses arrangements d'avance pour que, le matin du dernier jour, Fouquet enleva Mathilde et Madame de Rênal. « Emmène-les dans la même voiture, » lui avait-il dit. « Arrange-toi pour que les chevaux de poste ne quittent pas le galop. Elles tomberont dans les bras l'une de l'autre ou se témoigneront une haine mortelle. Dans les deux cas, les pauvres femmes seront un peu distraites de leur affreuse douleur. » Julien avait exigé de Madame de Rênal le serment qu'elle vivrait pour donner des soins au fils de Mathilde. « Qui sait, peut-être avons-nous encore des sensations après notre mort, » disait-il un jour à Fouquet. « J'aimerais assez à reposer, puisque reposer est le mot, dans cette petite grotte de la grande montagne qui domine Verrières. Eh bien, ces bons congréganistes de Besançon font argent de tout. Si tu sais t'y prendre, ils te vendront ma dépouille mortelle. » Fouquet réussit dans cette triste négociation. Il passait la nuit seul dans sa chambre, auprès du corps de son ami, lorsqu'à sa grande surprise, il vit entrer Mathilde. Peu d'heures auparavant, il l'avait laissée à 10 lieues de Besançon. Elle avait le regard et les yeux égarés. « Je veux le voir, » lui dit-elle. Fouquet n'eut pas le courage de parler ni de se lever. Il lui montra du doigt un grand manteau bleu sur le plancher. Là était enveloppé ce qui restait de Julien. Elle se jeta à genoux. Le souvenir de Boniface de la Mole et de Marguerite de Navarre lui donna sans doute un courage surhumain. Ses mains tremblantes ouvrirent le manteau. Fouquet détourna les yeux. Il entendit Mathilde marcher avec précipitation dans la chambre. Elle allumait plusieurs bougies. Lorsque Fouquet eut la force de la regarder, elle avait placé sur une petite table de marbre, devant elle, la tête de Julien et la baisait au front. Mathilde suivit son amant jusqu'au tombeau qu'il s'était choisi. Un grand nombre de prêtres escortaient la bière et, à l'insu de tous, seule dans sa voiture drapée, elle porta sur ses genoux la tête de l'homme qu'elle avait tant aimé. Arrivée ainsi vers le point le plus élevé d'une des hautes montagnes du Jura, au milieu de la nuit, dans cette petite grotte magnifiquement illuminée d'un nombre infini de cierges, 20 prêtres célébrèrent le service des morts. Tous les habitants des petits villages de montagne, traversés par le convoi, l'avaient suivi, attirés par la singularité de cette étrange cérémonie. Mathilde parut au milieu d'eux en longs vêtements de deuil, et à la fin du service, leur fit jeter plusieurs milliers de pièces de 5 francs. Restée seule avec Fouquet, elle voulut ensevelir de ses propres mains la tête de son amant. Fouquet faillit en devenir fou de douleur. Par les soins de Mathilde, cette grotte sauvage fut ornée de marbre sculpté à grands frais en Italie. Madame de Rênal fut fidèle à sa promesse. Elle ne chercha en aucune manière à attenter à sa vie. Mais 3 jours après Julien, elle mourut en embrassant ses enfants.